Collé à la surface relationnelle, palper les mauvaises ondes conditionnelles, syndrome lié au monde où les hommes daignent verser des larmes profondes, voilà où je baigne. Où je baigne. Dans la mer de mon drame et la s'altère, peu à peu mes défenses immunitaires. Heurté à la paroi irrationnelle, cherché dans les bas-fonds émotionnels, je m'y cache sans raison, alors je saigne, plus rien à l'horizon. Oh, oh, oh.